Pourquoi parler latin ? Dans une précédente chronique, j'ai rappelé comment les textes sacrés de la religion chrétienne, rédigés en latin, avaient été traduits dans les langues vernaculaires au cours du Moyen-Âge. Il faut toutefois ajouter que ce processus n'a pas mis fin à l'usage du latin dans les classes cultivées jusqu'au XXe siècle. Dans une étude, dont je vous donne la référence sur le site du Pourquoi du Comment, l'historienne Françoise Vaquet a montré que, dans l'Europe moderne, le latin régnait encore sur trois bastions, l'Église, l'École et la République des Lettres. Le latin fut surtout la langue de l'Église catholique. Face à la pression protestante, le Concile de Trente réaffirma fortement son rôle comme unique langue liturgique et s'opposa aux traductions de la Bible dans le langage courant. Le latin permettait en effet d'assurer le contrôle de l'Église sur les fidèles et de marquer la séparation entre clercs et laïcs. Dans le milieu scolaire, on constate que, jusqu'au XVIIIe siècle, le latin a joué un rôle essentiel dans l'apprentissage de la lecture et dans les cours dispensés au sein des collèges. À partir du XIXe siècle, l'enseignement fut généralement donné en français, mais le latin resta une matière dominante, à tel point qu'il représentait encore 40% des horaires du secondaire vers 1900. La création d'une agrégation de lettres modernes en 1959 fut un moment important dans le déclin du latin, mais la véritable rupture se produisit en 1968 lorsque Edgar Faure, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, supprima l'enseignement obligatoire du latin en sixième. S'ouvrit alors une période de déclin rapide où le latin fut réduit à l'état d'option de faible poids au baccalauréat et donc massivement négligé. Même si la proportion des ouvrages rédigés en latin diminua dès le XVIe siècle, il fut pendant longtemps considéré comme la langue du savoir. Bien qu'il ait publié son discours de la méthode en français, Descartes n'abandonna pas pour autant la langue latine. Et au XVIIIe siècle, toute la réorganisation de la botanique moderne par Linné se fit en latin. Si bien qu'on pouvait lire dans l'encyclopédie que le latin était la langue commune de tous les savants de l'Europe. Alors même que depuis le Moyen-Âge, le latin était devenu une langue morte, il continua donc à jouer un rôle religieux, culturel et intellectuel de première importance. Ce paradoxe s'explique notamment par le fait que le latin a été utilisé comme un moyen de distinction, que le poète Paul Valéry appelait un mot de passe, auquel étaient particulièrement attachées les fractions les plus menacées des classes dirigeantes. Langue du pouvoir, le latin permettait en effet d'exercer des effets d'autorité sur ceux qui ne le savaient pas. L'ouvrage de Françoise Vaquet s'interroge aussi sur la manière dont les milieux populaires ont tenté de s'approprier une langue qui leur était inintelligible. Elle cite les souvenirs d'enfance de l'écrivain Pierre Jacques Elias qui raconte qu'en Bretagne, le latin était devenu le breton du dimanche. « Nous chantons le Kyrie Eleison avec ferveur car nous entendons dans nos oreilles Kyrie Eleison, ce qui signifie en breton « il y a des tas de charrettes ».